tjere menm tout bon vre. Mwen te panse mte fin epize. Li voyon denye kren vin sove. Se kom si santi m resisite. Ou fam yo atensyon distingue. Pou m pa permet menm nan ti fe. Pense m'te fin tombe. Ou eleve mette m'sou te pie. Kankou ozo te pie m'em pa kase. M'en rete kwe denye kou ase.